Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, je dois amorcer l'émission avec une mauvaise nouvelle. C'est au sujet du festival. Tout récemment, des groupes m'ont annoncé qu'ils préféraient ne pas venir à Québec en mai. Par crainte de la COVID et puis aussi parce qu'il y a de la guerre, évidemment, en Europe. Tout le monde en entend parler. Donc, plusieurs groupes m'ont manifesté leur intention de ne pas se présenter et ils m'ont demandé de reporter en mai 2023. Donc, écoutez, à deux mois de l'événement, j'ai pas trop le choix que de reporter. C'est pas une annonce que je fais de gaieté de cœur, surtout que j'étais tellement certain que c'était pour se faire cette année. Enfin, écoutez, on vous tient au courant des développements. Et puis là, ben, sur une note plus agréable, on y va avec de la nouvelle musique. Donc, on commence avec ce soir avec Ben Craven, un multi-instrumentiste australien qui nous présente un cinquième album, Monster from the ID. Et puis on aura The Guild Master, projet des membres de Samurai of Prague. Et cette fois-ci, c'est leur deuxième album, Liber des Dictis. Et petit changement dans la formation, ce n'est plus Ton Scherpenzel de Kayak, mais c'est comme claviériste, mais c'est Alessandro Di Benedetti qui a pris la relève. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on va faire un petit tour du côté de l'Italie. Oui, en effet, Michel, avec un artiste d'ailleurs qu'on connaît assez bien, Alex Carpani, qui va faire paraître le 29 avril prochain son nouvel album Microcosm. Et il y a sur ça la participation de David Jackson, David Cross, Theo Travis, John Davison, entre autres. Alors, on aura la pièce « The Outer World » de ce nouvel album à paraître, et ce sera suivi par le multi-instrumentiste Joe Bailey. C'est un Britannique et c'est son nouvel album « Devil in the White City », un album qui vient de paraître au début mars. C'est son septième album en carrière. Il fait tout, il réalise bon, la guitare, la basse, les programmations, etc. Donc, il est seul sur ça. On aura la pièce de Fruitful Dead. Mais on débute en musique avec l'artiste australien Ben Craven. Vengeance on the soul. never feeling content. Need for further true love to come. Still want to be condemnation, but you could have flushed my cette chose. Shake your shit, bouge cette chose. Même si t'as oublié ce que ta maman t'a donné. Salut, c'est Mike Clay de Clay and Friends. Vous écoutez la musique populaire des Verdun en diffusion à CKRL. Bouge ton bain comme s'il y avait personne d'autre. Caleb, sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Pour amorcer notre seconde demi-heure, on a une nouveauté italienne. Le groupe a pour nom Golem G. .o.l.e.m. Et l'album, finalement, ben, c'est la signification de Golem, c'est Gravitational Object of Light, Energy and Mysticism. Donc, tout un titre et tout un nom pour un groupe. Et puis, ben, ce sera la pièce Marble Eyes. Après ça, ben, on s'en va au Mexique avec le groupe Artefactron, son premier album. Ce sera la pièce Doble Proposito. Et après ça, ben, on se promène beaucoup. Norvège avec Knekklektrik, un groupe dont on vous a présenté un extrait d'un album qui est sur le point de paraître. L'album pour titre Alt Blir Ver. Et Marc, après ça, je pense qu'on fait un détour du côté de l'Angleterre. Oui, c'est la formation Milkbone avec des musiciens qui viennent d'horizons variés, dont certains ont joué avec Robert Plant, par exemple. Alors, Milkbone, leur premier album, paru en 2021, éponyme. On aura la pièce Canterbury, et ce sera suivi de la formation italienne Zone M. Ça, c'est une nouveauté. C'est sur l'étiquette Black Widow, leur premier album Sono Dentro di Me. On aura la pièce Mark Am, mais on débute d'abord avec les objets gravitationnels d'énergie basse et de mysticisme Golem. Thank you. Blitt med hjem. Vent og vent. lördagen finnes. Og der sitter hun med sine solbriller på, smiler som om det er riktig. Du må nesten vente på et liv. Thank you. Vous écoutez présentement Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Così facile. Vi sei la minaccia più terribile, quella aliena impalpabile. Era ovunque intorno a me. E disarmato mi trovavo io, senza contro un Dio. Maledetta valle a campate zoo, da quando il meglio ride vive un po'. Un solitario strano messaggero che viene da un mondo che non c'è. Le piante grigie vita aspirerà, i corpi sfalda vita succhierà. Vive nel pozzo intorno a me. Ribollante orrenda luminosità, un torrente amorfo di mostruosità. Fuggile se puoi. Sciame scorcherà. Invade i corpi e li lascia in agonia, usurpa menti e le porta alla pazzia. Costellazione aliena, luce naturale, una sarabanda infernale. Senziante ignota cromaticità, arcobaleno cosmico di pietà. Fuggile se puoi. Io, protetto dalla casa, mi sento calmo e tranquillo. Ma il bagliore alieno ora si posa lui vive nel pozzo intorno a noi. KRL. J'ai ouvert les bras et tu n'étais plus là. Communication. Je serrais très fort mon oreiller. Il y a longtemps déjà que j'aurais dû t'oublier. T'oublier. Culture. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. 5, 4, 3, 2, 1. Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture. Quoi de plus beau, sincèrement? Ma TV, 9 Elix, chaîne exclusive Vidéotron, et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura des formations de l'Italie, de la Finlande et de la Norvège. Alors, on terminera le bloc musical avec la formation norvégienne Fatal Fusion qui a été fondée à Oslo en 2008. Ce sera un extrait de leur plus récent album, quatrième album en carrière, Dissonant Minds, paru en 2020. On aura la pièce Quo Vadimus. On aura également la formation finlandaise Vesilinja, qui a été fondée en 2017, et ce sera un extrait de leur premier album éponyme paru en 2021, Vesilinja, et la pièce Prisma. Mais pour débuter ce bloc, Michel, un des chanteurs les plus connus de la scène rock progressive italienne. Oui, un chanteur qui fait partie de Delirium, de La Maschera di Cera, et qui a aussi contribué à de nombreux albums italiens. On parle évidemment de Alessandro Corvaglia, qui a lancé l'année dernière un premier album solo intitulé Out of the Gate, et Alessandro a collaboré à tellement, écoute, je pense notamment Il Giardino Onirico, où c'est vraiment sa contribution est superbe. Il a contribué aussi au disque de Daniele Solo, il y a Narrow Pass, mais mon Dieu, écoutez, c'est un des grands chanteurs de la scène actuelle progressive italienne, et on écoute un extrait de ce premier album, Out of the Gate, et c'est la pièce titre. Some more. retrieving all the consciousness I left behind the door. Within the secret pages, beneath the hidden lies, there was no time for romance with the guilt inside my eyes. I tried to find the answers, but the road was so uphill, so dark and full of emptiness that no light could ever fill. The ticking of the clock of fate sounded with no hope, and all the void around me was a thing I couldn't cope. And there you were laughing as a joker in a pack, in a mantle of indifference that was really hard to hack. I looked at your reasons with astonished state of mind, and noticed with anguish that your behaviors were all blind. A tall tree was standing as a friendly gallows pole. I prayed it on a summer night to take my heart and soul. But as it seemed, destiny had other cards to play, and the force of resiliency finally made its way. I'm tired of all these nightmares and portraits of the past that I believe is happy, but I knew. And all I have heard has nothing to say. sortuneiden kotien keskellä. Ilman kärki rintalasta ahdistaa. Jos vääritkin olemassa ovat vain suhteessa, katsojan silmiin. Muinka kukaan voisi toista ymmärtää, jos kiinni jää esiin.

CKRL, KRL, RL, communication, communication, culture, culture. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi, de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Dans la dernière demi-heure de l'émission de cette semaine, on aura la formation du Royaume-Uni Magic Bus, tirée de leur troisième album, Philip the Egg, paru en 2017. On sait que la formation avait fait paraître The Earth Years, leur plus récent, en 2020. Alors, on aura donc la pièce Distant Future. Mais tout d'abord, Michel, une de nos formations préférées qu'on fait jouer depuis plusieurs années à l'émission. Ouais, par la force des choses, écoute, on peut dire qu'on en fait jouer souvent, mais il faut dire aussi que The Samurai of Prague est assez prolifique et surtout qu'il n'y a pas seulement The Samurai of Prague, mais les projets connexes, donc, et c'est toujours d'excellente qualité, c'est donc on ne peut pas passer à côté. Mais on va écouter ce soir un extrait de l'album The White Snake. We'll be right back. hide and seek, the white snake is a mystery. Blinding light in my eyes is too much to see. It's an ancient spell guiding me through hell to the gates of new eternity. I'm a sinner in despair. Lost and lonely, it's so cold. locked in the cages of fear, will I ever be free? Flying highways On a choisi de vous laisser avec un extrait d'un album du groupe italien Hot Sonaten, le plus récent, qui date quand même de 2016, Symphony No. 1, Cupid and Psyche. On attend toujours des nouvelles de Hot Sonaten. Il était prévu que le groupe présente une suite à l'album The Rime of the Ancient Mariner, Chapter 1, et ça fait 10 ans, et puis pas de nouvelles. Lucas Kerani m'a dit à un certain moment que c'était presque bouclé, mais je vous dirais que ça fait peut-être un an et demi qu'il m'a dit ça, donc on va encore être patient pour le nouveau Hot Sonaton. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et puis, ben, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Salut, ici Ariane Roy, vous écoutez ma chanson Le ciel est en place. Ces peurs construites un peu dans ma tête et qui réfèrent un peu aussi à l'angoisse, l'anxiété dont je souffrais lors de la création de l'album. Donc, quand j'ai visité cette île-là, ça a comme ouvert quelque chose en moi, là. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Aujourd'hui, on se trouve à Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense que quand je suis ici, que c'est calme, puis c'est silence, puis que j'imagine mon arrière-arrière-grand-père arriver en bateau au quai. Claude Pelgag à Lance des Merciers. Paraît qu'elle dort sur une branche tout en haut du séquoia. Qu'elle ne se nourrit que d'oranges et des livres de Kafka. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Le fleuve va manger la terre, puis que toutes ces maisons-là vont disparaître. Puis à quel point le Québec, c'est grand, puis est précieux et magnifique. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. Les skatepunkers de Haiti, tous sont de retour avec un tout nouvel EP, Gaslighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Man, qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou ça. Ou même de ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous. Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.